Les vendanges par Georges d'Esparvès. Ce jour-là, tant il faisait chaud, les herbes fondaient dans les prés rôtis, et les sources roulaient du feu. La soif remplissait la terre et le ciel. Je m'assis près de la ferme, le menton sur les genoux. Comme je désespérais, quelqu'un apparut. « À boire !» criai-je. J'étais rouge comme le sang. « Dans ce pays de Gascogne, me dit le maître de la ferme, on ne demande et on n'offre que du vin. Et de vin, je n'en ai plus. Un verre d'eau, alors, une goutte de jolie eau froide. Puisque c'est ainsi, monsieur, pour de l'eau j'en ai, suivez-moi jusqu'à la maison. » Nous entrâmes dans sa grande salle basse parfumée d'une bonne odeur de fenouil et de saucisses sèches. Il prit la cruche de grès, emplit un verre et me le donna. Je bus, mes yeux dans ses yeux, et quand je lui ai respiré, je lui dis « En buvant, patron, je vous regardais. Vous aviez l'air triste. Si c'est parce qu'il n'y a ici que de l'eau, vous êtes trop bon, car cette eau m'était plus précieuse que du sauterne, au moins en ce moment. Mon vin clairé eût été meilleur, dit-il en soupirant, mais je n'en ai plus. » Par les vitres, les coteaux flambaient, et il comprit mon regard. C'est la vérité. Autrefois, jusqu'à l'année dernière, je récoltais 100 comportes de vin blanc de Clairac. Aujourd'hui que les vendanges s'approchent, je n'en aurai pas un seul verre. Et pourtant, quel souci, quelle peine, quel travail. Ma vigne, c'était ma fille. Avec soin, je l'avais provignée, couchée, greffée. Pour lui donner de l'air, je l'avais labourée deux fois. Et je l'avais même retaillée pour détruire toute pousse mauvaise. Tournez-vous. Cette malheureuse vigne est plantée à Hautain le long du coteau à votre droite, et les arbres d'alentour lui servent d'échalas. Regardez comme elle est jaunie et ruinée. Voilà tout mon gain perdu. Et pourquoi? Parce qu'elle était sans signe, ma vigne. Ma fille. Parce que ses feuilles tendres craignaient les pucerons, le mildiou. Les maudites bêtes. Pour l'en débarrasser, j'éparpillais sur cette vigne à plein sac une poudre inventée par les savants, le sulfate de fer. Et je nettoyais ces tertres de toutes les feuilles sèches que j'allais brûler là-bas. Malgré tous ces soins, aucune grappe n'a poussé. Pourtant, les vignes de mes voisins ploient sous les muscats. Quand je sors, je n'entends que les gens qui rient. Le bonheur est partout, sauf dans ma vigne. Je n'avais qu'elle pour toute richesse. Vous voyez, monsieur, un pauvre homme qui regrette bien de ne vous offrir à boire qu'un verre d'eau. Il se tut et pencha la tête. Mais juste à ce moment, un petit oiseau en prison au-dessus de nous se mit à crier en frappant du bec sa mangeoire. Le maître de la ferme alla aussitôt décrocher la cage. Il semblait m'avoir oublié. « Attends, Fifi !» C'était une grippe de raisin, un peu plus grosse que la grippe rouge, un peu moins grande que la grippe de genièvre, oiselée au bec brun, à la gorge blanche, à la tête et au dos gris, aux croupions couleur olive et aux pointes des ailes jaunes à peine âgées de 2 mois. Je vis le maître de la ferme ouvrir la cage, prendre l'oiseau, l'étendre au fond de sa grosse main et lui écarter les plumes du ventre. La grive, les yeux fermés, se laissait faire. « Ah ah, te voilà guéri, je crois. Un peu de patience encore. Je vais te donner ton petit remède. Ce sera le dernier. Après, Fifi, tu te porteras comme le pont-neuf. » Je m'étais écarté, l'homme m'aperçut. « Je vous demande pardon, monsieur. Approchez-vous, s'il vous plaît. « Regardez cette petite chose comme c'est joli. C'est une griffe que j'ai ramassée au pied d'un arbre. Il y a 2 mois. Je peux me vanter de l'avoir soignée autant que ma vigne. Mais l'oiseau est gaillard, tandis que l'autre. » Il rangeait de sa main libre des menus objets. Voilà le pot de graines d'Argentine mêlé avec un peu de graines d'œillette que j'achetais à la ville pour ses repas. Car il avait la mue, et c'est un grand mal. Voilà son restant du biscuit et de jaune d'œuf. Ils ne lui serviront plus. Voilà un bout de réglisse ratissé qui trempait dans son eau. Il est inutile maintenant. Je le donnerai tout à l'heure à mon garçon. Et voilà le sucre candi que je cassais dans son vin blanc. Le fermier me regarda de son œil honnête. Il riait silencieusement. Car il buvait du vin, le drôlet. Et c'était le seul de la maison, je peux le dire. Tenez, je vais lui faire boire son dernier coup. Il prit la bouteille, la renversa dans le verre où j'avais bu. Il en tomba quelques gouttes. « Allons, Fifi, montre-moi ton ventre. » Les gouttes de vin blanc arrosèrent les plumes de l'oiseau qui frissonna un instant. La voix du fermier trembla tout à coup. « Maintenant, quitte-nous, Fifi. Bonjour, monsieur, tu es guéri ? » Je suivis le fermier jusqu'à la fenêtre. Dans la main qui le portait, l'oiseau se mit sur ses pattes. Puis il regarda le ciel et s'envola. Bientôt il disparut. Eh, mais vous qui vous plaignez des pucerons, lui dis-je. Vous venez de rendre la liberté à un ivrogne. La grippe est folle de raisin. Garde désormais aux vendanges. Le fermier ne l'entendit pas. Il suivait son idée. Qui sait, peut-être qu'un jour le vin remplira ma tonne comme autrefois. Alors passez par ici, monsieur, et nous porterons la santé de Fifi, pourquoi pas, cria-t-il en riant de bon cœur. C'est ça, monsieur, à la santé de Fifi. Nous étions au seuil de la ferme, il rentra. Au bord de la route, je m'assis. L'Angélus, là, se mourait. Le crépuscule vida lentement son sac de violette. Le soir vint. Tout à coup, à la pointe d'un arbre, je vis un petit oiseau se percher. Il me sembla que c'était une grive. Elle appelait. C'était un cri aigu, monotone, sifflé, en fifre. Je me souvins de cette voix. Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était M. Fifi. La première étoile me le montra. Il était raide sur ses pattes. Il appelait toujours, sans se lasser. Il appelait avec tant d'ardeur que le rameau en tremblait. Bientôt, très doucement, il me sembla que des ailes silencieuses naviguaient dans l'air, comme avec des rames de plumes. Des grives arrivaient en foule de tous les villages. Il en venait, il en venait. Au bout d'un instant, il y en eut 1000. Les grives étaient rangées sur les baguettes de l'arbre. Alors M. Fifi quitta sa branche et se mit à leur parler tout bas, comme parlent les esprits du soir, d'une voix qu'entendent seuls les oiseaux et les cheminots, mais que je ne pouvais comprendre. Et puis, sur un signe, tout s'envola. Je résolus de rester, je fis bien. Durant toute la nuit, par ordre, les voleuses pillèrent. Dans toutes les vignes riches qu'avait montré le fermier, les oiseaux s'éparpillaient, glissaient des pentes, entraient sous les feuilles, secouaient les grappes, en faisaient tomber un grain, le roulaient au fond de leur bec et repartaient d'une aile prompte à la ferme de M. Fifi. Dans la cour, sous la lune, la grande tonne vide bâillait de tristesse. Les grives arrivaient sans faire aucun bruit, passaient rapidement au-dessus de la grande tonne et lâchaient par 1000 petits becs. Les grains tombaient pêle-mêle, sans cesse, les uns sur les autres, bleus et blonds, duvetés, avec leur fine odeur de vin vierge. Quelques grives gourmandes auraient bien voulu gober ce grain d'or. Mais M. Fifi, à l'affût, les relançait d'un coup de queue bref à l'assaut des côtes. Elles allaient, venaient, se croisaient, viraient, virevoltaient. J'en étais étourdi de les suivre seulement des yeux. Et les vermisseaux étonnés se demandaient quelle folie entraînait les grives pour les ramener, toutes, l'aile discrète et le bec plein au même endroit. Les roses se rouvraient au glissement de ces vols rapides. Qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui, ces folles? Mais voyez-les donc! Et les herbes peureuses, de leurs doigts pointus, semblaient les implorer au passage. Toute la campagne était en rumeur, mais les grives, à tire-long l'aile, repartaient d'un nouvel essor aux pentes voisines, choisissaient, détachaient les grappes, soucieuses d'en préserver la soie, d'en garder la peau, traversaient la route d'un bond, et chacune envoyait son grain dans la tonne d'un coup de tête adroit. Bientôt, jusqu'au bord, elle fut pleine. Une vendange dorée parfumait la cour. Ce n'étaient plus des raisins, c'étaient des fleurs. Plus que des fleurs, des perles. Et qui était content? M. Fifi. Ébouriffé, il cabriolait dans le clair de lune, car ses remèdes étaient payés. Pour 10 gouttes de vin, il rendait à son sauveur 100 bouteilles et du bon. Moi, j'étais ravi. L'homme me retrouva sur le même arbre. Au moment où le soleil frisait le haut des coteaux, ivre du bonheur d'avoir fait le bien et montré sa reconnaissance, M. Fifi s'envola au grand vol de charge, escorté de ses bataillons. Debout, je les regardais s'en aller. Les ouvrières étaient lasses. Leur compte rasait la terre, et au coup de bec hésitant dont elle lampait la rosée pendue aux flexibles herbes, il me sembla que ces petites âmes généreuses ignoraient la beauté de leur bonne action, pour consentir, elle si gourmande de vin, à boire de l'eau, même céleste. C'était Les Vendanges, par Georges d'Esparbès.